Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, un passé de paillettes. Cinéma, chansons et musical, les Arabes font la fête. C'était la grande époque du cinéma, de la musique, de la chanson, de la danse. Tout se faisait au Caire. Le développement du cinéma dans les pays arabes ne pouvait qu'être prolifique et très lucratif. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Eh bien, bonjour. Je suis Éric-Antoine Lebon. Je salue les auditeurs de la radio-télévision suisse. Je suis l'auteur de deux livres donc sur le cinéma, une biographie consacrée à Annabella, la grande star du cinéma français des années 30, qui a connu une carrière internationale. Elle a épousé notamment l'acteur Tyrone Power. Et après, j'ai écrit une biographie du cinéaste Léonid Mogi, un réalisateur auquel la Cinémathèque française a consacré récemment une rétrospective qui a eu un très gros succès. Éric-Antoine Lebon, soit vous ne faites pas votre âge, soit vous vous intéressez à des choses qui sont amplement antérieures à votre date de naissance, non ? Oui, tout à fait. Et dès ma plus tendre enfance, en fait, je me passionnais pour le cinéma classique et j'avais la faculté de reconnaître les comédiens d'âge de 3-4 ans sur l'écran. Et ça stupéfiait en fait pas mal de voisins. Mais on vous ligotait sur une chaise pour que vous fassiez vos classes ou bien c'était un goût naturel qui était en vous ? C'était un goût naturel, vraiment. Mais c'est vrai que je regardais également les chiffres et les lettres. En fait, j'étais quand même beaucoup bloqué devant la télévision par goût. Et en fait, j'ai appris à lire en regardant les chiffres et les lettres. Concernant ce cinéma, est-ce que vous définiriez plutôt Éric-Antoine Lebon comme un cinéphile avant tout, ou avec un goût prédominant pour ce que vous appelez l'ancien cinéma ou le cinéma classique ? Eh bien, j'avoue avoir une préférence pour le cinéma classique. Un cinéma donc qui m'a toujours enthousiasmé, peut-être parce qu'il est vecteur de rêves, de sentiments. Et c'est vrai, il m'arrive évidemment de voir les films actuels et on en fait d'excellents, comme on faisait également de très mauvais films autrefois. Il y avait un peu de tout, mais ma passion me tourne davantage vers les films d'autrefois. A-t-il été facile de le partager avec des compagnons autour de vous ? Y a-t-il eu des camarades de route avec qui vous pouviez parler de cela ? Ou sachant que c'est tout de même, vous en conviendrez, un cinéma oublié, méconnu, je dirais pas méprisé, parce que dès lors qu'il est méconnu, il n'a même pas besoin d'être méprisé. Le nombre de participants autour de la table ou au téléphone ou dans un bistrot se fait forcément relativement rare. Qu'en a-t-il été, Éric-Antoine Lebon ? Eh bien, en fait, je dois remercier l'apparition d'Internet, parce que c'est vrai que dans ma prime jeunesse, j'allais voir beaucoup de films anciens, donc dans les cinémas spécialisés à Paris, la Cinémathèque ou dans les chaînes Action. Et après, grâce à Internet, j'ai vu donc des blogs, des forums se créer sur les différentes thématiques concernant le cinéma classique. Et j'ai commencé d'ailleurs à lire ces différents forums. Et puis après, y ai participé. C'est ainsi que j'ai lié connaissance avec pas mal de cinéphiles et commencé à organiser en fait des rencontres sur Paris, dans des restaurants ou des salons de thé, pour échanger, pour discuter de mes passions, pour pas que cela reste une passion solitaire. Et j'ai ainsi rencontré pas mal de monde hein, qui ne demandait que ça. Alors Donc je remercie beaucoup, beaucoup Internet qui a permis d'échanger sur cette thématique. Éric-Antoine Lebon, vous dites cinéma classique, mais il faut préciser que ce n'est pas seulement un cinéma classique essentiellement hexagonal, voire états-unien, voire européen. Non, vous avez aussi élargi les cloisons, et c'est ce qui va nous donner l'occasion d'évoquer un certain nombre de figures, disons, du paysage cinématographique arabe au sens large du terme. Racontez-nous comment vous êtes venu à cet intérêt-là, sachant que les films provenant de ces pays étaient jusqu'à un temps récent relativement soit peu présents, ou alors vraiment une telle médiocrité de niveau général qu'il était difficile de s'y intéresser. Racontez-nous en ce qui vous concerne comment ça s'est fait. Alors d'abord, j'étais passionné par le cinéma musical international. Alors c'est vrai que tout petit, donc j'avais adoré, je me rappelle, Lily avec Leslie Caron, enfin, des grands films, des grandes comédies musicales américaines, Invitation à la danse avec Gene Kelly, que j'avais vu alors que j'étais alité et malade. J'ai ressenti vraiment une grande passion pour le cinéma musical, parce que j'admirais beaucoup ces artistes qui étaient capables à la fois de chanter, de danser, de jouer la comédie. J'étais époustouflé par les décors, les costumes, toutes ces choses qui me faisaient rêver. Et donc c'est vrai, donc j'ai développé donc un fort goût pour le film musical, et j'ai toujours voulu en savoir davantage. Alors c'est vrai, dès lors j'ai commencé d'abord par regarder des films hollywoodiens, puis après les films musicaux français et allemand, italien, espagnol. En fait, je n'ai cessé d'essayer d'élargir ce spectre. Et en fait, je suis arrivé aux films musicaux égyptiens. Eh bien, grâce aux émissions que consacrait Frédéric Mitterrand dans les années 80, aux nuits du Ramadan, où il diffusait à cette occasion des films égyptiens de la grande époque, des années 40 et 50, avec Farid El Atrash notamment, et où Samia Gamal, la grande danseuse, et j'ai tout de suite éprouvé un très grand intérêt pour ces films, pour la musique arabe. Alors il faut voir aussi que pendant mes premières années, je vivais dans le 18e arrondissement, vers Barbès-Rochechouart, et donc dans les cafés qui se trouvaient en bas de l'appartement de mes parents. Il y avait beaucoup, beaucoup de musique arabe qui s'échappait ainsi des persiennes. Et c'était, et peut-être que cela m'avait séduit sans que je m'en rende compte. Et après, donc c'est avec grand plaisir que j'ai pu découvrir cette culture et ce cinéma. Est-ce que dans ces bistrots en question, sachant que j'en ai moi-même connu quelques-uns, il y avait encore, ce qui existait en tout cas quand je les fréquentais, la présence des téléviseurs et des scopitones qui permettaient d'avoir les clips égyptiens ou arabes en général? Est-ce qu'il y avait ça, ou vous ne parlez là que de sources audio? Il y avait ça, tout à fait. C'est vrai, il y avait des scopitones qui diffusaient en effet des clips, enfin ce qu'on pourrait appeler des clips de chanteuses comme Saba, qui ont été très, très souvent diffusés. Après, donc, ce sont vraiment des souvenirs vraiment anciens de ma tendre enfance. Donc, voilà, ce sont des vagues souvenirs, mais qui me sont chers. Éric-Antoine Lebon, je vous propose qu'avec vous, vous nous ouvriez un peu la fenêtre de ce paysage, il faut l'avouer, relativement méconnu, vous en conviendrez, de la comédie musicale. Alors vous avez bien fait de préciser, égyptienne, plutôt que arabe, sachant que l'Égypte est à un certain moment, et vous allez nous en parler, le foyer par lequel tout passe. Les acteurs ou actrices peuvent venir du Liban ou de Syrie ou que sais-je, mais l'essentiel se fait en Égypte. Pourquoi ? Absolument. Eh bien, donc, c'est parce que donc en Égypte est né le cinéma a été introduit à la période muette hein, en Égypte. Ben, c'était pour des raisons financières. C'est parce que donc ce sont des banquiers pour une raison de moyens et investir ont eu l'idée de développer des chaînes de cinéma et des studios en Égypte. Et ainsi, donc, c'est un banquier qui, au début des années 30, a créé le fameux studio Misir, au Caire, où ont été tournés les grands classiques du cinéma égyptien. Talat Arb, c'est son nom, si c'est bien la personne à laquelle vous pensez. Oui. Alors, économiste, fondateur d'une part d'abord d'une banque, et puis après, repli sur le cinéma. Qu'est-ce qui, de ce que l'on peut en savoir, permet ou conduit Talat Arb, qui a de prime abord forcément d'autres centres d'intérêt, se dire, là, il y a une zone d'investissement qui, inévitablement, rapportera? Eh bien, je pense que c'était donc une vue assez judicieuse sur après une analyse en fait de l'industrie cinématographique dans les différents pays. Il a bien compris que le développement du cinéma dans les pays arabes ne pouvait qu'être prolifique et très lucratif. Alors Misr, M-I-S-R, c'est donc la Mecque du cinéma égyptien, c'est le Hollywood sur le Nil. Où les studios sont-ils situés ? Est-ce qu'ils sont principalement centralisés au Caire ou y a-t-il une forme de répartition, voire même de décentralisation ? Les studios sont essentiellement centralisés au Caire, même si évidemment au début du cinéma parlant, on manque à l'époque techniquement c'est encore assez rudimentaire, et dès lors pour tourner les premiers films sonores, on est obligé d'aller en France en fait pour réaliser les séquences parlées et chantantes. Et donc c'est ainsi que donc pour le premier film musical qui date de 1932, La Voix du Cœur, la plupart des scènes ont été tournées à Paris. C'est la même chose pour La Rose Blanche, le premier grand succès du cinéma musical en 1935 avec le chanteur Mohamed Abdel Wahab, pour lequel donc Mohamed Abdel Wahab s'est rendu à Paris pour les enregistrements vocaux. Quels sont les thèmes, les sujets de ces premiers films ? A-t-on affaire à un objet, disons, particulièrement fleur bleue, ou décrivez-nous ça ? Oui, tout à fait. Il s'agit en effet de romance. Alors, faut voir, donc, on est à l'époque donc de la royauté, et donc il y a quand même une censure qui va très vite s'insérer en fait et régimenter les tournages des films. Puisque donc on doit absolument éviter de filmer la pauvreté, de donner un avis critique sur le régime en place, sur les riches. Et on ne doit pas du tout montrer qu'il y a de corruption ou de dépravation. Dès lors, la plupart de ces films se situent dans des milieux assez huppés, dans des nightclubs très clean. Et des milieux aristocratiques. Alors c'est le cas donc des films de Mohamed Abdel Wahab ou alors de Leila Mourad, une chanteuse donc très populaire dans les années 40, donc qui évolue toujours avec des tenues de soirée dans des milieux de la haute société. Et le sexe, qu'en est-il ? Le sexe, c'est toujours montré de façon très très Comment dire, c'est très très rangé avec des histoires d'amour. On s'aime au premier regard et voilà, avec toujours un grand respect de la société. Par exemple, dans un film, je pense à un film ultérieur, hein, de 1957 avec le chanteur Abdelhalim Hafez, donc qui s'appelle L'Oreiller, et dans lequel il est amoureux donc d'une jeune fille. Et en fait, la morale du film, c'est que donc un premier amour ne dure pas et qu'il faut suivre les conseils de ses parents et donc un mariage arrangé. Et donc c'est vrai que comment dire, ce genre de sujet est revenu plusieurs fois dans les films. Alors c'est toujours donc très sentimental, mais je pense que ça tient en fait à l'âme du pays. C'est comme dans les milieux russes. On n'a pas peur en fait de pleurer dans les films. On voit beaucoup, hein, les grands chanteurs Farid El Atrache ou Abdelhalim Hafez pleurer dans des scènes en se lamentant sur la perte de leur amour. C'est toujours les gens sont très fleurs bleues, n'ont pas peur des sentiments très forts, croient à l'amour au coup de foudre. Et c'est voilà, c'est d'un autre côté, ça donne une sorte de fraîcheur, de naïveté, de candeur qui est tout à fait appréciable à ce genre de film. والخطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد وأنا فيه غريب والليل يقرب والنهار روح Éric-Antoine Lebon, vous nous avez dit que le sexe n'était évidemment pas évoqué de manière explicite, non traité par ce cinéma de la comédie musicale égyptienne. Néanmoins, pour avoir vu dans la préparation de cette émission un certain nombre de séquences, il est évident que la scène de l'inévitable danse du ventre est là. Alors, fait-elle partie des scènes qui sont placé sous les fourches sourcilleuses et codines de la censure, ou bien, ou non. Alors donc, en effet, dans toutes ces comédies musicales, il y a toujours des scènes de danse orientale. Alors c'est des danses orientales qui choquaient les bien-pensants, puisque donc quand Thomas Edison, là, dans ses premiers films, avait représenté donc une danseuse orientale, là, donc qui courbait le ventre, ça avait vraiment beaucoup choqué les spectateurs. Mais donc ça fait partie évidemment de la culture arabe, donc parce que donc c'est une danse qui à l'origine évoquait la fécondité, mais donc comme c'était vraiment quelque chose de culturel, de partagé en fait donc dans les différents pays arabes, il était quand même essentiel de le représenter. Néanmoins, toujours sur une forme quand même aseptisée. Il y avait des règles, notamment concernant le nombril. À partir donc de la fin des années 40, il ne fallait plus le montrer dans ce genre de film. Alors donc on s'arrangeait en mettant des sortes de franges ou alors une perle sur le nombril des danseuses comme Samia Gamal ou Leila El Jezeria pour cacher cela. Mais c'était à peu près le même système, hein, comme qu'à Hollywood, parce que je me souviens que Joan Collins, la célèbre actrice anglaise, en tournant le film La Terre des Pharaons, avait trouvé ça totalement ridicule qu'on cache son nombril, et parce que même on lui avait suggéré de le cacher avec une sorte de crème qui faisait pour que de loin, on ait l'impression qu'elle n'en a pas. Voilà, donc ça paraît du coup un peu curieux. Mais sinon, donc il faut voir aussi que toutes ces grandes danseuses des comédies musicales comme Taya Carioca ou Samia Gamal, donc qui avaient pris des cours de danse classique, dansaient avec extrêmement d'aisance et de classe. Et donc que dans leur la manière d'évoluer, il y avait quelque chose de, certes de voluptueux, certainement de sensuel et d'érotique, mais quand même d'aseptisé, qui passait certainement mieux que des danseuses dans des cabarets un peu louches. Tout le monde a entendu parler d'une certaine arrivée en gare d'un certain train ayant fait fuir au début de la projection les spectateurs de la salle. Il faut une certaine habitude pour se confronter à ces images mouvantes sur un écran, qu'elles soient muettes ou sonores. Éric-Antoine Lebon, qu'en a-t-il été de l'accueil du public concernant la diffusion des films en Égypte ou ailleurs? Alors, en fait, la diffusion des films, eh bien, en Égypte et dans les pays arabes, ben, à l'origine, il y a beaucoup de films ont été importés, hein, des films français, américains, etc. Puisque donc, avant qu'on en produise d'abord en Égypte, puis après, par la suite, au Liban. Mais donc il y a eu très vite un grand intérêt pour le public, et avec donc une industrie qui s'est créée. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y avait le rôle important des femmes dans cette industrie, parce qu'il y avait donc d'emblée des actrices, des comédiennes un peu connues, je pense notamment à Magda dans les années 50, sont devenues très rapidement productrices. Et il y avait aussi Asia Dagar dans les années 30 qui a aussi produit. Après, elle a lancé notamment la chanteuse Saba. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de femmes, ce qui peut paraître assez surprenant, donc qui agissaient de manière très active dans les milieux cinématographiques. Éric-Antoine Lebon, à votre connaissance, a-t-on affaire essentiellement à un cinéma de studio, ou y a-t-il quelques expériences qui sont menées et filmées avec caméra dans la rue, avec la possibilité ainsi pour le spectateur de pouvoir voir la rue arabe, pardon pour cette expression infiniment trop généraliste? Eh bien, vraiment, au début, là, à l'époque du roi Farouk, non, ce sont essentiellement donc des films où tout est reconstitué dans les studios, y compris les rues arabes. D'ailleurs, ça se voit. Après, par contre, dans les années 50, oui, il commence à y avoir donc des metteurs en scène qui cherchent un petit peu à sortir des ornières et donc à introduire des passages donc un peu plus réalistes, hein, puisque donc aussi donc avec le mouvement des officiers libres en 1952, puis l'arrivée de Nasser au pouvoir, à la présidence de la République, il va y avoir donc un cinéma plus social et donc une sorte de rapprochement donc avec la réalité. Le cinéma avec doté d'une conscience politique se trouve-t-il renforcé, affadi, métamorphosé de toute façon par rapport au cinéma qu'il précède? Et quelles conséquences et quels résultats, Éric-Antoine Lebon? Eh bien donc, le cinéma, en fait, notamment le cinéma musical, va continuer avec donc autant de succès, hein, dans les écrans dans les années 50. Alors certes, la plupart des chanteurs mettent à leur répertoire donc des chansons nationalistes, patriotiques, donc qu'il s'agisse d'Oum Kalsoum ou de Abdelhalim Hafez, qui fait vraiment partie justement des nouvelles vedettes qui vont justement marquer l'ère Nasser. Et voilà, mais il n'y aura pas, s'agissant plus spécifiquement du cinéma musical, ça ne va pas vraiment changer, mis à part cet aspect, ces chansons patriotiques, etc. Ça ne va pas tellement changer les choses. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est de voir que les stars, puisqu'il y avait énormément de grandes vedettes donc à l'époque du roi Farouk, la plupart vont réussir, mais alors sans aucun dommage, à passer donc de la période de Farouk à la période Nasser. Alors pourtant, dans les films des années 40, il y avait des chansons où on vantait le roi Farouk, patron des arts, voilà. Et après, ben, il y aura des chansons pour évoquer, parfois même des chansons très guerrières, hein, envers l'État d'Israël notamment. Et voilà, les mêmes artistes, en gros, vont réussir absolument à passer le cap. Sans mal. La censure se montre-t-elle aussi sourcilleuse sous le règne Nasser que sous le règne Farouk ? Eh bien oui, finalement. Alors c'est peut-être aussi bien donc sur un plan moral que oui, c'est aussi sourcilleuse parce qu'en fait on passe même chaque chanson en revue pour voir si elle voilà, s'il n'y a pas un langage. Pourtant, la plupart des chansons sont des chansons très très sentimentales, hein, où il n'y a pas, il n'y a aucun risque ni figurant. Mais oui, il va y avoir tout à fait une censure, je vais dire peut-être tout aussi tatillonne qu'à l'époque du roi Farouk. Pour le cas où des messages subliminaux se glissent entre les promesses d'amour ? Absolument. Éric-Antoine Lebon, je vous propose qu'on se retrouve demain pour poursuivre cet entretien, ce qui nous permettra d'entrer un peu plus avant avec un blog extrêmement conséquent que vous avez réalisé il y a de cela quelques années concernant la comédie musicale et un certain nombre de figures féminines, chanteuses ou danseuses. On en parle demain. طمنوني الأسمراني عم لاقيه الغربة فيه Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.